Le comité d'ASEAN en Corée a offert les aides monétaires pour le rétablissement des régions sinistrées au nord de la province du Ramgyong du Nord. À la cérémonie de remise, on prit part les ambassadeurs des pays membres du comité, comme la Malaisie, le Vietnam, l'Indonésie, le Laos et le Cambodge. L'ambassadeur malaisien a exprimé de profondes consolations et sympathies à propos des pertes humaines et matérielles causées par l'inondation au nord de la province du Ramgyong du Nord de la Corée et souhaité sincèrement que les sinistrés mènent une vie stable aussi vite que possible. Le vice-ministre coréen des Affaires étrangères Lee Gil-sung a manifesté de la reconnaissance au comité d'ASEAN en Corée pour ses aides monétaires et informé avec des faits à l'appui de l'engagement de tout le parti, de toute l'armée et de tout le peuple coréen au rétablissement suivant l'ordre du maréchal Kim Jong-un qui a désigné ce travail comme le principal objectif de la campagne de 200 jours et de la participation active de nombreux pays du monde et de diverses institutions internationales aux aides sur le principe humanitaire. Soulignons que les États-Unis se démènent pour semer la discorde entre la Corée et les pays asiatiques en bonne relation et détourner l'opinion internationale équitable. Il a dit que les pays asiatiques doivent redoubler de vigilance face au complot des forces hostiles et développer les relations bilatérales de longue histoire et tradition avec la Corée. Les ambassadeurs des pays membres de l'ASEAN ont exprimé qu'ils ont mieux compris la position de la Corée contre le blocus et les menées d'isolement et de suppression des États-Unis. Ils ont dit « Le fait d'imposer une exigence unilatérale aux pays souverains est d'un bout à l'autre une violation grossière du principe de souveraineté, d'égalité et de non-ingérence aux affaires intérieures des États souverains et c'est absolument intolérable. »